nous on fait rien pour rien. Ok mec, 3-5 on se présente. Nous on fait rien pour rien. On a rien sans rien, on se bat pour rien. Dédicace aux galériens, grand. Levez vos guilera. En ce moment, je rêve de rien, le cruise à part du cul à Christina Aguilera. Ne filez pas, que si l'ennemi a un pompe, au pire des grâces, c'est pour mes gars qui pilote du S5 au Carrera. Je me plierai pas, j'écris sous vodka, en fait on se présente. Douloir révisé, un 3-5 Herbel, on représente. Fais ton trafic, n'insulte de personne ou ça réplique. Ne me prends pas pour un boss, moi devant les ham, je suis rapide. Je suis tout mimi comme même petit, c'est du doule et pas du lil pit. Ça fait trop longtemps qu'on rêve du liquide. Trop énervé, on écoute nos sons en cabra. Les petits ont rien à perdre, mettre les plaquettes dans la chabra. Ça vend de la rien que ça. On va te claquer ta verre. On a rien, rien sans rien. Pour des rues, ça se lève tôt, 11h sur le terrain. Esquive les sirènes, représente les galériens. On fait rien pour rien, c'est pour les frères sur le terrain. On a rien, rien sans rien. Pour des rues, ça se lève tôt, 11h sur le terrain. Esquive les sirènes, représente les galériens. On fait rien pour rien, c'est pour les frères sur le terrain. On a rien sans rien. Fumer sans feu, comme y'a pas de fumette sans shit. Shit, ici y'a rien sans rien, on reculera pas pour ces schmitts. Nique les schmettes, hein. Et les frères qui te cric. Ici c'est anti-kerba, peux pas les couilles de ton prix. Là j'parle pour l'État qui veut nous voir travailler. 1400 le mois, ça suffit plus, faut bien s'assumer. Sinon tu vis plus, déjà que j'ai plumé. C'est ça la vie du bitume, l'État on va les fumer. On se fume des calumets, nous on est calme, on se parlait de moi, t'allumé. Ne me prends pas pour une pute ou un de ces mecs que t'as allumé. Moi j'ai rien sans rien, passe-moi ton feu que je le rallume. Visite du loir. Déterminé. Te prends pas pour un autre, ne crois pas que tu vas me perquis. Ça roule sans permis, baisse pas les yeux devant les civils, les képis. Toujours garder la tête haute, jamais se vautrer. Savoir qui vautrer, jamais bobo y côté. On a rien sans rien. Pour des rues, ça